Nous allons maintenant, messieurs, procéder aux finances. Il n'y a rien à changer. Mais comment ? Je veux tout changer, moi. D'abord, je veux garder pour moi la moitié des impôts. Pas gêné. Messieurs, nous établirons un impôt de 10% sur la propriété, un autre sur le commerce et l'industrie, et un troisième sur les mariages, et un quatrième sur les décès de 15 francs chacun. Mais c'est idiot, Père Ubu ! C'est absurde ! Ça n'a ni queue ni tête. Vous vous fichez de moi ? Dans la trappe, les financiers ! On enfourne les financiers. Mais enfin, Père Ubu, quel roi tu fais ? Tu massacres tout le monde. Ah, ah, merde ! Plus de justice, plus de finances ! Mais ne crains rien, ma douce enfant. J'irai moi-même, de village en village, recueillir les impôts. Sois sous, disait Auguste dans un glou-glou. Glou-glou, glou-glou, glou-glou, glou-glou, glou-glou, glou-glou, glou-glou. La soif nous traque et nous flapit. Buvons d'attaque et sans répit. Pipi, pipi, pipi, pipi, pipi, pipi, pipi. Moustache, nul ne se moqua du blanc panache de ma chaka. Caca, caca, caca, caca, caca, caca, caca. On a bonne trogne quand on a bu. Vive la Pologne et le Père Ubu. Bip, bip, bip, bip, bip.